Réunion, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. Rue de Varennes. Premier épisode. Il y avait une fois, au Royaume des Blancs, un premier ministre appelé Pierre-Yves Gerland. Il avait beaucoup de soucis et travaillait tous les jours très tard, même le dimanche qui est jour de repos chez les Blancs. Il était subséquemment très fatigué. Notre histoire commence justement un dimanche. Le dimanche 9 janvier, très tard dans la soirée. Après une longue journée de travail, le Premier ministre s'offre un moment de détente dans les sous-sols de Matignon. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ne dérangez pas pour moi, je viens faire un peu de rameur. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vasquez. Monsieur le député Vasquez, j'ai du mal à comprendre votre question concernant la politique menée par mon gouvernement en matière de logement social. Monsieur le député Vasquez, je m'étonne de votre question. Non. Je m'étonne qu'un député comme vous pose une telle question. Je m'étonne qu'en 15 ans de mandat parlementaire, n'ayez pas pensé plutôt à poser cette question. Que vous n'ayez pas jugé opportun, voilà, de poser cette question à mes prédécesseurs. Cette question eût été alors bien plus pertinente. Mais il est vrai que vous étiez alors dans la majorité et étiez moins prompt à la critique qu'à la dithyrambe. Qu'au dithyrambe? À la dithyrambe? Au dithyrambe. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vasquez, je m'étonne qu'en 15 ans de mandat parlementaire, vous n'ayez pas jugé opportun de poser cette même question à mes prédécesseurs. La question eût été plus pertinente qu'aujourd'hui. Mais il est vrai que vous étiez alors dans la majorité et que vous étiez moins prompt à la critique qu'au dithyrambe. Oui, allô? Allô? Elisabeth? Oui? C'est Véronique. Véronique Melansky! Ça va, Véronique? Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas rentré de la nuit. Il est parti en début d'après-midi. Il voulait se balader un peu tout seul. Attends, Véro, je t'entends très mal. Là. Qui n'est pas rentré? Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai prévenu l'ambassade et maintenant la police vient de débarquer. Oh. Ils fouillent nos chambres, ils m'ont pris ma valise et mes papiers. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit, mais ils comprennent rien. Véro. Les enfants sont paniqués. Ah, du calme, Véro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Michel. Tout va bien? Isabelle est rentrée? Oui. Madame a dîné à la closerie. Je l'ai ramenée vers 1h du matin. Elle était très fatiguée. Ah, il y a encore eu des incidents? Non. Elle a juste protesté et un peu résisté, mais on est sorti par l'arrière du restaurant. Elle s'est couchée il y a 10 minutes. C'est vous qui restez devant ma porte cette nuit? Oui, monsieur. Je suis de permanence. Alors je peux dormir tranquille. Bon courage, Michel. À demain matin. Je me lève tôt, je vais à la radio. Bonne nuit, monsieur. Merci, Michel. Pour Isabelle. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Tu vas bien ? Éteins, Isa. Je me lave les dents et je me mets au lit. J'ai plus sommeil. Si, éteins. Il est très tard. Bah, je sais, je t'ai attendu toute la soirée. Écoute, je t'avais prévenu que je risquais d'être coincé. Dans ces cas-là, tu devrais appeler une de tes copines, plutôt que de rester seule à t'enfiler verre sur verre. Bon, je vois que je peux toujours compter sur la discrétion de ce cher Michel. Il passe plus de temps à me fliquer qu'à te protéger, celui-là. Vraiment pas besoin de lui pour voir que tu as bu. Et arrête de t'en prendre à Michel, il est très patient et très gentil avec toi. Ah, ça, tout le monde est très gentil avec moi. Bonjour, Madame Gerland. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Madame Gerland? Vous ne croyez pas qu'il serait temps de rentrer vous coucher, Madame Gerland? Tous des gardes-chiourmes. Ils sont tous très gentils avec moi. Tous! Sauf toi. Toi, tu t'en fous. S'il te plaît, je suis vraiment épuisé. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au théâtre après-demain? Hein, Hervé m'a envoyé des invites pour sa première à la Comédie Française. C'est l'occasion d'aller le féliciter. Et je te promets qu'on dîne ensemble après, ok? Qu'est-ce qu'il joue? Et Pinchard, il sera là? Il donne un Claudel, je crois. Et oui, il y aura Virginie. Et ministre de la Culture, ça fait partie de son job. Alors je ne viens pas. Tu pourras te pavaner avec elle. Tu veux être gentil, c'est ça? Trouve-moi plutôt des places pour la loge présidentielle à Garnier. Tu sais, celle juste au-dessus du plateau. On peut entendre respirer les danseurs. Ok. J'essaie de voir ça demain avec l'Élysée. Mais je te promets rien. Et au passage, n'appelle plus le cabinet pour ce genre de demande perso. Vois avec le secrétariat, s'il te plaît. Maintenant, faut que je dorme. Bonne nuit. Oui. Une seconde, Antoine. Je vais dans le salon. Écoute. Bah, allez-y, Antoine, le mal est fait. Je suis réveillé. Quelle heure il est? 2h30? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand? C'est sa femme qui vous a prévenu? Mais je comprends pas. Ils sont où en ce moment? Merde, bah, qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas? Bon, Antoine, il faut que je boive un café et qu'on fasse le point en détail. Préparez-moi un maximum d'éléments, je vous rejoins au plus vite. Ah bon? Là? Déjà? Ah bon, montez alors. Non, vous avez bien fait. On gagne du temps comme ça. Oui, à tout de suite. Oh. Tout va bien, monsieur? Oui, Michel. C'est juste pour vous prévenir de laisser passer mon nouveau chef de cabinet. Il monte m'apporter un dossier. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Vous pouvez pas vous tromper, c'est un petit chaud avec des lunettes. Si vous pouviez éviter de l'abattre. Je vais essayer de faire attention, monsieur. Merci pour lui. Bon, maintenant qu'on est réveillé, vous voulez un café? Non, merci, monsieur. Pas le droit. Ah, oui, c'est vrai. Dans nos métiers, on évite les excitants. Ah, bien, le voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Entrez, Antoine. Michel, si vous changez d'avis, pour le café, on se met dans la cuisine. Merci, monsieur. Par ici. café? Volontiers. Ristrette? Oui. Sucre? Non, merci. Diabète. Décidément, je ne suis entouré que par des malades. Pardon? Non, laissez tomber, Antoine. Bon, faites-moi le point sur cette histoire. Donc, j'ai pris ma permanence au bureau à 22h, juste après le départ de Monsieur Perron-Chevalier. Ah, d'ailleurs, vous l'avez appelé, Christian? Non. J'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir directement. J'ai tout de suite demandé une voiture et je suis venu chez vous. C'est pas possible, ça, Antoine. Là, vous avez déconné. Il faut toujours commencer par informer le directeur de cabinet. Christian est là pour ça. C'est à lui de prendre ce genre d'initiative. Faut respecter la hiérarchie au sein du cabinet, Antoine. Sinon, c'est le bordel. Je suis désolé, monsieur. Je croyais bien faire. Monsieur Perron-Chevalier est parti assez tard du bureau et il était très fatigué. Bon, c'est pas bien grave. Mais on en reparle avec lui. Racontez-moi la suite. Donc, vers 2h du matin, j'ai reçu un coup de fil très inquiet d'Elisabeth Roussel, qui est la directrice de cabinet de la santé. Oui, je sais qui c'est. Elle a été mon assistante parlementaire pendant 2 mandats. Même moi qui l'ai refilé à Belansky. Et donc, elle vous a dit quoi exactement, Elisabeth? Elle m'a expliqué qu'elle venait de recevoir un coup de fil de l'épouse du ministre, complètement paniquée. Tiens, justement, c'est Christian. Oui, Christian. Non, je suis debout. Oui, je suis au courant. C'est lui qui m'a réveillé, il est avec moi, là. Oui, chez moi, on prend le café dans la cuisine. Oui, il vient de me dire. Oui, je lui ai remonté les bretelles. Je lui ai expliqué que ça doit passer par toi. Évidemment. J'allais t'appeler justement pour te réveiller. Bon, calme-toi, l'essentiel c'est que je sois au courant. Rejoins-nous, on fait le point, t'es où là? Ah, parfait, à cette heure-là ça roule bien, tu seras à la maison dans moins de 5 minutes. Mais qu'est-ce qui t'a prévenu toi? Ah bon? Merde. Ok, en t'attendant je commence à me faire briefer par Antoine. Oui, je lui redis, il est jeune, il n'a pas les réflexes. À tout de suite. Je vous préviens, Antoine, il est très remonté. C'est le cabinet militaire qui a pris l'initiative de le réveiller quand ils vous ont vu partir. Ça va? Ça se passe bien, votre petite réunion? Bonsoir, madame. Retourne te coucher, Isabelle. C'est qui, lui? Je suis Antoine Verlaire. Laissez Antoine, je gère. Antoine est mon chef de cabinet. Retourne te coucher, s'il te plaît. Je te rejoins dès que j'ai fini. Je gère. Vous voyez comment il me traite, hein? Il me gère. Comme un dossier ministériel. Un dossier non prioritaire, évidemment. Bon, Isabelle, ça suffit. Sors de cette cuisine, s'il te plaît. Bonne nuit, monsieur... Bon. Je ne sais pas si j'aurai le plaisir de vous revoir. Il paraît que je n'ai plus le droit de vous passer de coup de fil. Je dérange. Mais on se reverra sans doute dans ma cuisine. Isabelle, ça suffit maintenant. Tu te ridiculises. Je te fais honte, c'est ça? J'en ai marre d'avoir des inconnus dans ma cuisine. Tu comprends ça? Lâche-moi! Aïe, lâche-moi, je te dis! Pas la peine de prendre ton air, tu m'impressionnes plus, hein! Isabelle, c'est juste une petite réunion, va dans la chambre, je te rejoins. Antoine, fermez la porte, s'il vous plaît. Petite réunion? Dans ma cuisine à 3h du matin? Mais on va où, là? Ils vont venir chez nous le week-end et la nuit, maintenant? Isa! Une petite réunion? Et mercredi, vous faites le conseil des ministres dans le salon? Et un jour, je vais rentrer à la maison et tu seras dans mon lit, avec Panchard! Arrête! Vous pouvez quand même vous payer l'hôtel, non, avec ta pute! Aïe! Excusez-moi, Antoine. Désolé, Antoine, que vous ayez assisté à cette scène. Oui, elle a fait la fête hier soir avec des amis et je crois qu'elles ont un peu abusé. Bon, essayons d'oublier ce petit intermède et racontez-moi ce que vous a dit Elisabeth Roussel. Donc, comme je vous disais, Madame Roussel m'a dit qu'elle avait reçu un coup de fil paniqué de la femme de Belansky depuis leur lieu de vacances au Botswana. Mais qu'est-ce qu'il faisait en vacances là-bas? J'avais interdit de passer des vacances hors de France. Je sais même pas où c'est le Botswana. Ah, bonsoir, Christian. Bonsoir, Pierre-Yves. Bon, Antoine, qu'est-ce que vous foutez là? En fait, j'ai reçu un coup de fil. Jean. Il y a une grosse demi-heure de la directrice de cabinet de Jean-Philippe Belansky qui... Permanence! Vous comprenez le français, Antoine? Permanence! Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous devez rester scotché à votre téléphone. Quand on est permanence à Matignon, on quitte pas son bureau, même pour aller pisser. Là, c'est un événement exceptionnel. Ça fait 20 ans que je travaille dans des cabinets ministériels. Des événements exceptionnels à Matignon, on en a entre 6 et 10 par jour. Qui est au bureau en ce moment pour assurer la permanence? Personne. L'officier de permanence du cabinet militaire... Parlons-en! Je me fous du cabinet militaire! Christian... Ils nous prennent déjà suffisamment pour des marioles. Le cabinet militaire qui tient la permanence, enfin alors, on n'a qu'à demander aussi aux huissiers de nous préparer l'ordre du jour du Conseil des ministres et aux femmes de ménage de nous rédiger les communiqués de presse. Ouais, messieurs, on se calme. Il est bientôt 3h du matin. J'ai dormi 1h en tout et pour tout. Dans 4h, j'ai une grosse interview à la radio, j'enchaîne toute la journée par des visites de PME à la con dans je ne sais quel bled. Et si j'ai bien compris, il y a un membre de mon gouvernement qui se balade dans la nature, à 10 000 km d'ici. Alors, vos ergotages sur l'organisation des permanences au cabinet, vous réglerez ça un peu plus tard. Donc Christian, tu te calmes maintenant, s'il te plaît. Fais-toi un café, assieds-toi. Et Antoine, vous nous refaites un point complet sur la situation pour que Christian ait toutes les infos. Et dès que c'est fait, vous rentrez à Matignon illico, reprendre la permanence. Permanence qu'effectivement, vous n'auriez jamais dû quitter. On vous écoute. Donc, vers 2h, j'ai reçu un coup de fil d'Elisabeth Roussel, la directrice de cabinet... Ouais, ça va, merci, je la connais. C'est moi qui l'ai recrutée. Elle venait de parler avec Véronique Belansky. Si j'ai bien compris, ils sont partis quelques jours au Botswana en famille visiter le Kalahari. C'est une réserve animalière dans le centre du pays. Et d'après Madame Belansky, son mari serait allé se promener seul en 4x4 en début d'après-midi et n'est pas revenu de toute la soirée. C'est quoi le décalage horaire avec le Botswana? En hiver, il y a une heure de plus. Il est à peu près 4h du matin là-bas. Ok, donc il a disparu depuis 12h en gros. Il est peut-être juste allé se balader sur une plage. Il n'y a pas de côte au Botswana. Antoine, épargnez-nous vos leçons de géographie. Qui d'autre est au courant pour la disparition de Belansky? Pour l'instant, sa femme, évidemment, ses enfants et les services de sécurité locaux, qui auraient promis d'être discrets. Mais il y a aussi l'officier de permanence qui était avec moi à Matignon. Il a immédiatement prévenu tout le cabinet militaire. Merde! C'est la procédure. Et pourquoi c'est pas le cabinet militaire qui m'a réveillé, alors? Ça doit aussi faire partie de la procédure, j'imagine. Oublions le cabinet militaire, je m'en occupe tout à l'heure. En priorité, il faut briefer la famille et le cabinet du ministre pour un silence complet. C'est ce que j'ai dit tout de suite à la DIRCAP de Belansky quand elle a appelé. D'ailleurs, elle attend nos consignes pour la communication. Et toujours d'après elle, la femme du ministre n'aurait prévenu personne d'autre. Très bien. Christian, dans l'ordre, tu décales d'une heure ou deux mon avion pour demain et tu m'organises, juste après mon interview radio, un conseil de sécurité restreint avec la DIRCAP de Belansky, l'intérieur et la défense. Et le quai? Ah oui, le quai, évidemment. Et on fait ça le plus discrètement possible, à Matignon, vers 9h, le temps que je revienne de la radio. Je m'en occupe tout de suite. On alerte quand même des CRI, GDN, des GPN, etc. C'est la procédure. Ah non, non, non, non, vous m'emmerdez avec vos procédures. Je veux d'abord faire le point avec les ministres concernés pour savoir quels services on met dans la boucle. Je suis Premier ministre. Merde, je peux quand même garder une info pour moi pendant 4 heures. Je suggère quand même qu'on briefe les ministres immédiatement pour que les cabinets aient le temps de commencer à rassembler les informations. Sinon, la réunion de 9h ne servira à rien. Ok, mais ils ne viennent pas avec 25 conseillers chacun. On fait ça en petit comité. D'accord. Donc, Christian, tu préviens, un, la défense, deux, les affaires étrangères. Et de mon côté, je gère personnellement la DIRCAP de Belansky. J'appelle aussi l'intérieur. Mercadal adore ce genre de situation merdique. Faut que je le calme tout de suite, celui-là. Il va encore se prendre pour Fouché. D'ailleurs, je vais commencer par lui passer un savon. C'est quand même à l'intérieur de s'occuper de la sécurité des ministres, non? Si je peux me permettre. Enfin, la disparition n'est pas encore confirmée. Même à Matignon, on est informé depuis moins d'une heure. Et encore grâce à la famille qui a eu le bon réflexe. Mais j'imagine qu'ils sont déjà au courant place Beauvau. Laissez-moi vous dire, Antoine, qu'ils n'ont pas intérêt à être au courant, sinon il faudra que Mercadal m'explique pourquoi il ne m'a pas prévenu immédiatement. Donc de deux choses l'une. Soit il est déjà au courant et je l'engueule, soit il découvre la situation et je l'engueule. Et la présidence? C'est moi qui les appelle. D'ailleurs, je vais commencer par eux. Je réveille tout de suite le secrétaire général. Ça va le mettre de bonne humeur. Et je le laisse décider si on attend demain matin pour prévenir le président. Mais à mon avis, c'est déjà remonté à eux via le cabinet militaire. Bon, enfin, on fait comme on l'a dit. Christian, il faut essayer de gagner au moins 24 heures avant que ça sorte. Il était censé rentrer quand? Belansky, mardi après-midi, je crois, juste à temps pour préparer le conseil des ministres. Ça nous laisse 2 jours. Pour la com, on verra demain ce qu'on décide avec les ministres concernés. Mais au cas où ça sortirait, vous me préparez des éléments de langage pour les journalistes. J'ai pensé. J'ai rédigé un petit draft de position paper dans la voiture. Un draft de position paper. C'est peux pas dire un projet de communiqué, comme tout le monde. Non. Fais-moi voir. Bah ok, c'est parfait. Hein. Ok. Antoine, mettez-nous ça au propre. Que je transmette à l'Élysée pour validation. Bien. Merci. Bon, messieurs, je vous accompagne. Ne m'attendez pas, partez pour. Je m'habille et je vous rejoins à Matignon dans moins d'une heure. Merci beaucoup, Christian. Et Antoine, vous ne me réveillez plus jamais sans l'accord préalable de Christian quoi qu'il arrive, c'est clair ? Oui, monsieur. À tout de suite. Tout va bien ? J'ai entendu Madame Gerland crier. Oh, ce n'est rien, une petite dispute. Je crois qu'elle n'était pas contente que je sois venu réveiller le PM à 3h du matin. À ce sujet, Christian, je vous demande pardon, j'aurais dû vous prévenir en premier, mais je pensais bien faire, gagner du temps. Écoutez-moi bien, Antoine. Vous savez ce que je pense de votre nomination ? J'ai infiniment de respect pour l'œuvre politique de votre père. Et même son amitié avec le président ne m'empêchera pas de vous faire virer si vous me mettez des bâtons dans les roues. Vous pensez que Matignon, c'est un tremplin pour lancer votre carrière de jeune énarque, je vous conseille de retourner tout de suite au show à la Cour des comptes. Maintenant, Antoine, vous rentrez à Matignon et vous occupez tout de suite du déplacement du PM. On décale tout le programme d'une heure et on supprime une visite ou deux au besoin. Vous commencez par la coordination avec la préfecture de Rennes. Mais vous ne les appelez pas avant 8h du matin. Autant les mettre devant le fait accompli. Et avant ça, vous me préparez les dossiers complets pour le conseil de sécurité tout à l'heure. Vous n'envoyez rien par mail, à personne. Vous tirez 10 exemplaires papier en faisant les copies vous-même et vous me les remettez en main propre avant 8h, que j'ai le temps de potasser le dossier. Ça vous laisse 4 bonnes heures. Bonne journée. Bonne nuit. Rue de Varennes, de François Perrache. Premier épisode. Hervé Pierre, Binda Ngazolo, Valérie Stroh, Sophie Dole, Luce Mouchel, Cyril Couton, Vincent Mémette, Gilles David, et les voix de Florent Houlier, Stéphanie Daniel, Franck Chevalet, Julien Large, Franck Molinaro, Florent Favier, Delphine Léonard et Elodie Fiat. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SGDL, Société des gens de lettres, pour leur accueil amical. Stagiaire, Julie Guichard. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier. That Indian blowed a whistle on the fireman, he rang the bell. That Indian blowed a whistle on the fireman, he rang the bell. That Indian blowed a whistle on the fireman, he rang the bell. That Indian blowed a whistle on the fireman. It's bad, you know.